Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro 1 de Parole de Tux. Bonjour. Bonjour, numéro exceptionnel car c'est le premier. Bravo. Nous voudrions vous faire partager ce qui nous intéresse dans cet univers d'operating system GNU Linux. Premier numéro audacieux, certes, mais qui sera accompagné tout le long de ces numéros de vos critiques les plus acerbes, en espérant que l'engouement de ce podcast sera à la hauteur de nos ambitions, c'est-à-dire carrément au-delà de l'espace intersidéral. Alors, il n'existe pas à proprement parler d'un podcast consacré à Linux dans le monde francophone. Il y a bien des podcasts high-tech sur Mac, sur Windows, il y en a même, je pense, sur Android maintenant. Et il y en a aussi sur le monde libre, bon, ouais, donc du coup, celui-là, il parle de temps en temps de Linux, mais pas de Linux Focus, comme vos dévoués serviteurs allons tenter de vous faire vivre. Waouh. Oh yeah. J'en profite pour introduire, tout bien tout honneur, mon partenaire Tolrek. Oui, Tolrek, bonjour. Bonjour. Alors, deux, trois questions pour te faire connaître auprès des auditeurs. Quel est ton OS de prédilection ? Debian. Et pourquoi donc ? Parce que j'ai commencé par Debian. Disons que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Tiens, je vais t'installer un Linux, tu vas voir, c'est génial. » Et il m'a installé Debian. Et t'as jamais changé ? Si, parce que comme je n'arrivais pas à faire fonctionner tout sur Debian, je suis passé à Ubuntu. Et puis, quand j'ai commencé à comprendre assez bien Ubuntu, je suis retourné sur Debian. Voilà. Eh ben voilà. Eh ben, moi je suis toujours sous Ubuntu. Et je t'emmerde. Non, mais un jour, t'arriveras à le maîtriser, hein, c'est pas... Mais, oui, donc voilà, et donc, en gros, tu as fait Debian et Ubuntu, principalement. Ubuntu étant déjà une dérivée de Debian, donc, c'est surtout ce système-là que tu connais. T'es pas passé par des petites phases Fedora. Non, pas de Fedora, pas de Mandriva, sauf exception, puisque je sais bien que je les ai eues en main, une Suse. J'ai eu une Suse en main une fois, mais voilà. Ok. Et depuis combien de temps t'es sous Debian maintenant ? Ça doit faire 8 ans. Quand même. Ouais. Et voilà. Et alors votre serviteur, ici, je me prénomme Capitaine Posix. Mais vous pouvez m'appeler Posix. Et moi, donc, comme je disais, j'ai une Ubuntu qui est installée chez moi, mais dans le cadre de mon travail, donc de ma vie professionnelle, on utilise du Red Hat. Donc voilà, alors pour en revenir à toi Tolrek, tu vas nous parler de quoi tout au long de ces podcasts ? Moi je vais parler de jeux. De ces interminables podcasts. Moi je vais parler de jeux. Ah, c'est la bonne partie, c'est la partie ludique. Ben c'est la partie pour les gens qui n'y connaissent rien comme moi, et donc les jeux. Et puis parce que c'était aussi... quelque chose qui pour moi était important quand je suis arrivé sur Debian, puisque j'adorais jouer sous Windows, et c'était de dire à quoi est-ce que je vais pouvoir jouer maintenant que je n'ai plus Windows. Ben oui, tout à fait. Donc j'ai cherché les solutions, donc voilà. Et tu as trouvé ? Oui, ben oui. Sinon... Je veux dire autre chose que des jeux ASCII dans un terminal. Oui, et on ne sera pas obligé de faire du Tetris sous Linux. C'est une bonne nouvelle, j'espère que tout le monde se réjouit déjà de cette bonne nouvelle. Alors, la structure du podcast. La structure du podcast va être la suivante. Donc, on diffuse une émission par mois. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà assez. Hein. Pour faire un podcast par semaine. Qu'est-ce que je dis ? Pour faire un podcast par semaine, sauf s'il n'a pas besoin de préparation, c'est pratiquement un boulot temps complet. Donc, on voulait pas faire ça. Donc, un par mois. Oui. Ça correspond mieux à notre rythme de vie, de glandouille. Donc, par émission, trois parties. Ici, je parle de la première partie. Donc, la première partie, lors de la première émission, je vous préviens, c'est compliqué. Je voulais absolument faire de temps en temps des news, mais pas tout le temps. Et j'ai décidé que, lors du changement de saison, j'entamerai la première émission par des news. Voilà. Et les deux autres émissions, oui, ce serait des focus sur des distributions. Oui. Maintenant, je reviens sur tous les podcasts en général. La deuxième partie, c'est la tienne, c'est tu vas nous parler de jeux. Oui. Et puis la troisième partie, là, ce que je voulais faire, c'était une partie peut-être plus orientée, je ne sais pas, je vais pas dire professionnelle, mais disons les gens qui s'intéressent un petit peu aux... Les nerds. Les nerds qui aiment bien le terminal. Ça, voilà. Maintenant, ce sera pas... essentiellement ça, mais disons que je voudrais bien aider à comprendre les systèmes Linux à travers des petits explicatifs, un petit peu comme je sais pas si t'écoutais le podcast de Lionel qui s'appelait Techno IT. Pas du tout. Qui n'existe plus, mais bon, voilà, lui aussi, il parlait un petit peu de l'informatique dans le milieu professionnel. Voilà, c'est un petit peu un truc comme ça que je voudrais faire. Et donc voilà, et puis après, on verra si ça plaît ou pas. Donc voilà, j'avais écrit tout un texte, j'ai rien lu du tout. C'est bien. Donc voilà, je propose... D'attaquer. Je propose d'attaquer. Là, par contre, je vais devoir lire, parce que pour mes news, je les connais pas par cœur. C'est des news. En plus... Je rédige une fois tous les siècles et donc il y a des trucs que j'ai écrits que je sais même plus ce que j'ai raconté dedans quoi. Donc voilà, on commence ? Oui. Allez, c'est parti. Linux, c'est cool. La première news. Ubuntu va encore modifier l'interface graphique. C'est ce que Mark Shuttleworth... Faut savoir le dire, quoi. C'est pour ça que j'ai arrêté de prendre Ubuntu. Oui, d'accord. Parce que Mark Shuttleworth, c'est impossible à dire. Donc, il a dit... En gros, Mark Shuttleworth, il a dit un truc du style, on n'a pas besoin de menus puants. En effet, le millionnaire affirme que les interfaces n'ont plus changé depuis 30 ans et qu'il est temps d'y remédier. Donc, il vient avec quoi? Il vient avec le head-up display. T'en as entendu parler? Non, moi j'étais encore sur Unity, moi. Oui, mais c'est un... Oui, donc voilà. Ah, tout le monde se dit Exit Unity. Et non, en réalité, non. Unity est toujours bien présent. Le Head-Up Display est une couche supplémentaire au-dessus du GUI. Donc c'est au-dessus de Unity. Et c'est, à mon avis, c'est au-dessus de n'importe quel environnement bureau. Donc pour expliquer brièvement ce que c'est, vous imaginez une barre de recherche Google en haut de votre écran. Vous commencez à écrire Internet, par exemple, et là il va vous proposer une liste déroulante rafraîchie à chaque caractère, un peu à la moteur de recherche Google, là comme ça, et vous aurez la liste des programmes qui contiennent Internet, comme par exemple Internet Firefox Browser. Puis après vous lancez Firefox et vous retournez dans votre petite encart de ligne de commande et vous tapez bookmark et ça va vous lancer les favoris quoi. Alors l'avantage de cette nouvelle fonctionnalité, c'est qu'elle est intégrée aux applications. Donc si vous êtes en train de dessiner avec GIMP, par exemple, et que vous voulez faire un crop, ben vous reprenez le Head-Up Display, vous tapez crop, et lui il va comprendre que dans le contexte dans lequel vous êtes, vous avez besoin du crop de GIMP, et donc il va vous le proposer quoi. En gros c'est un moteur de recherche qui cherche uniquement dans le contexte dans lequel vous vous trouvez. Je suppose que c'est pas encore intégré à toutes les applications du monde, mais ça devrait faire son chemin. Ça te parle ? Là non. Ok. J'ai 30 ans de retard en termes d'interface graphique. Oui, je pense que tu as bien raison. Moi, je crois que c'est encore un... Enfin bon, bref. Ouais, moi j'ai viré Gnome, voilà. J'emmerde Gnome. Donc voilà, news suivante. Ubuntu TV. Ouais. T'en as entendu parler ? Non. Mais tu vis où, toi ? Mais loin d'Ubuntu, visiblement, mais... Ubuntu TV, alors Ubuntu TV, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Ben, dans vos télés, maintenant, il y a des tas de composants. Donc on est bien loin du temps des tubes cathodiques où il n'y avait aucune logique binaire. Maintenant, votre télé, elle boot sur un OS, elle scanne vos ports HDMI, USB, Peritel, tout le bordel. Et donc, voilà la question de Canonical, éditeur d'Ubuntu, c'était tiens, et pourquoi pas mettre un Ubuntu comme OS de télé ? Voilà, l'Ubuntu TV, c'est ce projet-là. Alors ça va faire quoi ? Ça va vous allumer votre téléviseur et vous allez avoir un accès à une interface graphique qui va vous permettre de voyager entre les offres séries, télé, cinéma, enfin... Un truc genre de vidéo à la demande, simplement, sauf que en plus, vous aurez les chaînes. Et c'est une couche en plus que ton décodeur classique. Ouais, ça fait le même truc qu'une box. Voilà. Là, c'est déjà intégré, lien YouTube et tout ça. Bon, maintenant, je suppose qu'il y a des partenariats qui sont peut-être plus intéressants. Je sais pas. Le fait que Ubuntu soit gratuit. Enfin, je sais pas. Je sais même pas, parce que je pense pas qu'Ubuntu TV soit gratuit. Comme OS à installer dans une télé, mais je suppose que voilà, il y a des accords qui sont déjà enfin voilà, j'en sais rien. Et il faut savoir que avec cet OS là, on peut aussi enregistrer les programmes. Alors c'est intéressant aussi de savoir si Ubuntu va intégrer un service d'enregistrement dans le cloud ou bien s'il va vous permettre d'enregistrer directement sur vos clés HDMI dans un format par exemple AVI ou quoi, ouais. Et du coup paf, t'enregistres à la télé, ça te fait un DivX, tu l'as sur ta clé USB, tu peux le prêter à tes potes et là ça coince puisque tu ne peux pas prêter à tes potes. Oui, voilà, tu ne peux pas prêter à tes potes, tu ne peux rien faire. Sinon, on va retourner dans les travers de Mega Upload, sans exagérer à peine. Bon voilà, allez, news suivante. Linux hybride. Je voulais parler de Linux hybride. Alors Linux hybride, c'est quoi ? C'est une distribution qui est principalement utilisée pour voir et tester la plupart des environnements graphiques. Pour l'instant, il y en a 9, donc je les cite. KDE, GNOME 3, Unity 2D, GNOME Panel, XFCE, LXDE, E17, OpenBox et Flea. Ça fait 9, je les ai comptés en même temps. Alors l'avantage, c'est que vous n'avez pas simplement le choix de votre bureau lors de l'install. Non, vous changez de bureau pendant que vous êtes en train de travailler, quoi. Donc t'es en train de surfer et tout, et puis tu dis hop, j'ai envie de passer sur KDE, clac, tu cliques sur le bouton KDE, et tu te retrouves dans ton surf dans le KDE. Alors ça peut paraître une distribution très démo, mais il faut savoir 2-3 petites choses qui sont intéressantes. La première, c'est que le surf se met en mémoire RAM, ce qui accélère l'expérience de surf. Je l'ai pas dit, mais c'est basé sur Ubuntu. Il y a aussi un outil qui permet de ne pas faire trop de dégâts à votre machine si vous décidez de quitter Linux et que vous étiez dans une configuration dual boot, par exemple avec Windows. Mm-hmm. Alors ça peut paraître bizarre, mais j'explique. En fait, par défaut, Grub ou ouais. Lilo, il écrase le bootloader existant. Ouais. Et c'est lui. Oui, voilà. Et c'est lui qui, une fois que l'OS boot, qui te propose la différence, enfin, qui te dit, OK, tu veux du Linux ou tu veux du Windows? Mais c'est Grub qui fait ça. Et en fait, si tu veux te séparer de Linux, tu désinstalles Linux, t'as plus rien sur ton master boot record, donc là où se trouve le lien vers ton OS. Et donc, tu sais même plus booter sous Windows, donc il te faut un dépannage, quoi. Et donc voilà, lui, il avait inventé, le mec qui a fait Linux hybride, il avait inventé ce petit truc-là, et il voulait l'intégrer à une distribution, et je pense que personne n'a voulu l'intégrer. Et donc il s'est dit, bah tant pis, je vais faire ma propre distro. Et donc voilà, ça, c'est devenu Linux hybride. Et alors, et il en a profité pour faire cette histoire de bureau, plein de bureaux en parallèle en même temps. Voilà, un truc sympa. Il y a encore des tas de choses à dire là-dessus, mais je vous invite à aller voir hybride.com. Hybride.org avec 2 Y et un E à la fin. Voilà. Ça te parle? Ouais, j'étais en train de réfléchir à l'adresse. Hybride.org. Avec un E. Ouais, hybride. Ok, quoi. Ça va. Hybride. Hybride. Ok. News suivante. FreeBSD 9 est sorti. Je sais, c'est pas du Linux, mais c'est un projet Unix libre. Et nous, quand c'est libre, on aime, alors on encourage. Alors, si vous êtes intéressé de voir ce que BSD a dans le ventre, personnellement, j'ai jamais été voir. Mais le problème, c'est que BSD, par défaut, comme c'est un système for Unix, il y a pas de bureau. Faut savoir que la distribution PC BSD vous offre le FreeBSD avec un environnement bureautique. Voilà, c'est tout. On s'en fout. On passe à la suite. Alors. Là par contre, oh putain, j'avais préparé le magazine à côté, je voulais dire qu'il y a un nouveau magazine qui parle de Linux de long en large. Et oui, le petit nouveau s'appelle Linux Inside. Je connais pas. Ce magazine est à la fois orienté utilisateur et développeur, il est aussi orienté utilisateur débutant et confirmé, donc en gros, c'est pour tout le monde. Alors moi j'aime bien. Alors, je reste quand même accroché à GNU Linux Magazine, même si sur les forums il est fort critiqué, mais moi je m'en fous, j'aime bien. Technique aussi, non ? Bah il y a deux versions, il y a le Linux pratique et le Linux admin, enfin et voilà, c'est vrai que le truc admin, il est fort. Ouais, je pense l'avoir déjà pris en main. Et puis bon. Ouais, il est enfin voilà, parfois ça n'intéresse pas tout le monde, c'est fort technique, mais bon, moi j'aimais bien. Mais bon, bref, Linux Inside, c'est plus sur les parties chaudes de l'actualité Linux. Donc on a un DVD avec 4 distributions dessus. Pour l'instant, ils ont sorti 2 numéros, un numéro en février et un numéro en mars. Donc je les ai achetés tous les deux. Et donc voilà, donc je dis juste les 4 dernières distributions. Donc pour le mois de mars, c'était Fubuntu, C'est un mix de Fedora et Ubuntu, mais j'ai pas regardé ce que c'était. Linux Mint 12, celui-là par contre je l'ai déjà installé. Ubuntu Alpha, donc la version 12.04, alors qu'au moment où on enregistre, on est seulement à la 11.10. Et la distribution Parted Magic, pour vous aider à faire vos partitions. Donc ça non plus j'ai jamais essayé. Donc il n'y a pas besoin d'installer les distros, évidemment, c'est surtout pour regarder comment ça tourne. Alors le papier du magazine, c'était un papier glacé, que je qualifierais de luxe par rapport à l'image que Linux donne en général. Et ce genre de présentation, d'article, est de côté plutôt chic et nouveau dans le monde francophone, en tout cas pour Linux au niveau des mensuels. D'habitude, on voit ce genre de packaging pour tout ce qui est plutôt Mac, à la limite un peu Windows. Enfin bon, bref, c'était juste pour en parler. Et donc, ils ont un site, ça s'appelle linuxinside.fr, et c'est en un mot. Ah non, mais je me disais, tiens, Linux Mint... qui est mis en avant, et j'avais vu que Linux Mint dépassait maintenant Ubuntu, en fait. Ouais, alors. Une distribution basée sur Ubuntu, mais qui, elle a fait le choix de garder GNOME, mais, Ouais, ça, c'est un truc. Qui, apparemment, j'en parle un peu plus tard, mais quand on dit que Linux Mint maintenant est plus, plus téléchargé, ou plus suivi, plus téléchargé. Mais en fait, c'est pas plus téléchargé. En fait, c'est le site DistroWatch, qui est une référence en termes de, voilà. En termes de référencement de distribution, bah, il faut savoir que la page maintenant Linux Mint, c'est vrai, elle est beaucoup plus visitée que celle d'Ubuntu. Mais donc c'est en gros Linux Mint a dépassé. C'est un indicateur de popularité. Alors. Exactement. Allez, news suivante. Kubuntu. Oui. Ubuntu. Avec KDE. Voilà. Ils n'ont plus le support de Canonical. En effet, après 7 années de support financier, Canonical a décidé de couper les vivres de ses développeurs et du support. En fait, je pense qu'il y avait une seule personne salariée par Canonical qui travaillait sur la portabilité d'Ubuntu sur KDE. Mais le support pour les applications de Kubuntu existait, et maintenant Kubuntu devient un projet Linux communautaire, comme la plupart des distributions. Il est important de noter que Kubuntu n'était pas dérivé d'Ubuntu, mais était une distribution identique au niveau des dépôts, cycle de développement, etc. C'est juste que Ubuntu était sous GNOME, mais Kubuntu sous KDE, c'est la seule différence, donc ils sortaient en même temps. Alors que les distributions qui se basent l'une sur l'autre, évidemment, ont toujours un temps d'adaptation. Donc comme j'ai expliqué, c'est pas la mort de la distribution, c'est juste le support qui n'est plus assuré par Canonical, qui n'a pas réussi à boucler un chiffre positif sur base de cette distribution depuis 7 ans sur ce projet. Appelle donc aux volontaires. Oui, c'est bien, si j'ose dire. Mais en quoi, c'est quoi leur rentrée financière, en fait, à Canonical? Même sur Ubuntu tout court, je vois bien les développements qui sont mis pas mal d'objectifs par rapport aux smartphones, visiblement, par rapport aux télévisions, t'en parlais tantôt, et ainsi de suite. Et là, je vois bien le côté financièrement intéressant, mais Ubuntu en tant que distribution Linux pure, en quoi est-ce que les différences de Kubuntu différentes de Kubuntu? Ben, ça fait une personne en plus qui doit travailler dessus, et donc ça coûte de l'argent, et il faut que l'argent rentre, et ça rentrait pas assez. Mais bon, ouais, la question est pertinente. Je sais pas d'où vient. À part le fait que Marco, il est pété de thunes. Il est riche, on va le dire autrement. Je vois pas comment il... En fait, je ne vois pas leur business plan. Non, mais moi non plus. En tout cas, je ne sais pas pourquoi... Ouais, non, voilà. Ouais. C'est comme tu dis, je vois pas le business plan, je vois pas pourquoi... Ils ont arrêté le support sur ce truc. Maintenant, peut-être que l'idée, c'était simplement de dire, voilà, Ubuntu sous GNOME, c'est beaucoup plus téléchargé que sous KDE. Le fait qu'on supporte KDE sur Ubuntu, ça ne nous sert à rien. Et... Maintenant, en discutant, je me dis, tiens, oui, mais ils ne font plus Ubuntu sous GNOME. Ils font Ubuntu sous Unity. Oui, c'est vrai et aussi. Et donc, quelque part, ils ont développé leur propre interface graphique. Pourquoi maintenir KDE? Vu qu'ils maintiennent même plus GNOME. Voilà. Donc c'est peut-être tout simplement la suite logique aussi de dire on ne travaille plus sur les bureaux des autres, sur les interfaces graphiques. Ouais, c'est vrai, c'est possible. C'est à creuser. Allez, news suivante. Très rapidement, je fais un topo sur l'open data. Bien sûr. Ça te parle, l'open data? Écoute, oui. Eh bien... Pour définition, donc je vais pas faire mieux que Wikipédia, alors je lis leur définition. Une donnée ouverte, en anglais, open data, est une information publique brute qui a pour vocation d'être qui a vocation à être librement accessible. La philosophie pratique de l'open data préconise une libre disponibilité pour tous et chacun, sans restriction de copyright, brevet ou autre mécanisme de contrôle. En informatique, l'open data est une information structurée, publique ou privée, et généralement non utilisable par un humain, mais interprétable par une machine. Exemple. Où trouver une école non religieuse pour mon enfant de 15 ans au Royaume-Uni? Ça, c'est une donnée qui devrait se trouver quelque part, que les institutions publiques possèdent, mais pour l'instant, il n'y a aucun moyen de s'interfacer de manière informatique avec l'État, en gros, et tout ce qu'il connaît. Le projet Open Data, c'est un peu ça, c'est mettre à disposition du public toutes ces données que le public a payées à travers ses taxes et ses impôts, et de le redistribuer gratuitement, quoi. Donc voilà. C'est une sorte d'open source de la culture ou C'est l'open source des données... De l'information. Des données qui ont été récoltées grâce aux impôts et aux taxes des particuliers, quoi. Enfin, voilà. Des gens imposables. Et donc, tout ça, maintenant, ça va être accessible d'une manière ou d'une autre sous un portal. Et donc, ça concerne quel genre de données? On peut parler des infotrafics, de la météo, du cours de la bourse, de la cartographie, donc voilà. Et ce serait l'idéal, évidemment, qu'on puisse consulter toutes ces données de manière aussi historique, quoi. Mmh. Donc voilà. C'est l'open data, voilà. News suivante. La semaine dernière, c'était le 200e épisode du célèbre Linux Action Show. C'est un show américain, vidéo, mais qu'on peut aussi télécharger, aussi seulement en MP3. Ça s'écoute aussi bien que ça se regarde, parce que parfois il n'y a pas grand chose à voir, à part deux mecs qui parlent. D'accord. Et pour l'événement, comme c'était la 200e, ils ont eu au téléphone, et ça a duré à peu près, 40 minutes, Richard Stallman. Oui, non, si, je connais, mais... Oui, mais je me doute que tu connais. Richard Stallman, à l'origine du projet GNU, mais aussi président de la Free Software Foundation. Mm-hmm. Alors, la discussion entre Chris Frischer et Brian Lunduk d'un côté, donc ces deux gars-là, c'est ceux qui font le Linux Action Show, et Richard Stallman, de l'autre côté, a démarré de manière très courtoise, et de nombreux échanges ont été très intéressants sur la philosophie du libre. Richard Stallman, c'est un mec, faut pas l'emmerder. Tu vois, il a des idées comme ça, c'est assez arrêté, c'est extrême, on peut dire que c'est un peu extrême comme point de vue de gauche, parce que bon, ça sent pas la droite, c'est clair, pour lui il faut tout partager, tout le monde s'aime, et bon bref, donc au début la discussion, franchement ça se passait bien. Et puis après, ça a un petit peu dégénéré parce que un des deux, donc c'est Brian Lunduk, en fait, c'était un développeur. Et Richard Stallman a commencé à lui dire, en gros, que développer, c'était bien. Vivre de son développement, c'était bien. Mais développer et rendre son travail, donc son software, son programme, sous une licence propriétaire, c'était mal. Et ça, c'était le diable. Et alors, lui, évidemment, il a mal pris. Il a dit, ouais, mais bon, faut quand même bien que je nourrisse mes enfants. Et puis Richard Stallman, il a dit, ça n'a rien à voir, tu peux nourrir tes enfants autrement. Et puis il a commencé, donc l'autre, Lunduk, il a dit, ouais, donc si je comprends bien, d'après vous, faut fermer Microsoft, quoi. On va fermer Microsoft, on va mettre 70 000 personnes au chômage, 70 000 personnes au chômage, pour les Français qui nous écoutent. Normalement, ils sont trois. Non. Ou les trois, c'est des Belges. Ah oui, les trois, c'est des Belges, oui. Et ouais, on va mettre tout le monde au chômage, qu'est-ce que c'est que cette merde, vous pouvez pas faire ça. Et puis alors il a dit moi ce que je souhaite c'est que cette boîte crève, quoi. Et puis à un moment donné ils ont parlé de Steve Jobs et Richard Stallman il ne s'est pas démonté non plus, il a quand même dit que voilà, que c'était en gros un gros con et un enculé. Je schématise, hein. C'était pas tout à fait ça qu'il a dit, mais c'est vraiment ça que ça voulait dire. Quelqu'un d'autre, ça donne envie de le rencontrer. Oui, mais non, moi, il m'a impressionné. En fait, je trouve qu'il n'était pas, évidemment, il n'est pas mesuré. Évidemment, il est extrémiste dans sa manière de parler, dans sa manière de présenter les choses, dans la manière dont il défend ses idées. Ouais. C'est complètement extrême. Mais il y a toujours un moment où tu dis, tiens, finalement, il a quand même raison, quoi. Parce que, à un moment donné, il dit des trucs du style que tout devrait être partage. Absolument tout. Cette idée qu'il y ait possibilité de déposer un droit de propriété sur des choses, c'est une ineptie, quoi. La personne qui travaille, elle est rémunérée pour fabriquer un objet. Après, le partage, il dit, c'est ça l'essence même de la société, quoi. C'est le partage. On peut pas commencer à interdire des gens de partager. Et c'est ce qu'on fait, quoi. Alors, il a, donc, je fais des gros raccourcis, mais bon, à un moment donné, il a aussi parlé du Kindle d'Amazon, où là, c'est le pire de l'aberration. Je me suis un peu senti con, parce que j'en ai quand même acheté un. Mais bon, donc il commence à expliquer que ça, c'est vraiment le sommet de l'aberration. Non seulement tu t'identifies sur Amazon, donc Amazon, c'est ce que tu achètes, c'est ce que tu lis, en gros, c'est qui tu es, mais en plus, toi, tu payes pour ce service, tout en sachant que par rapport à un livre papier que tu peux prêter ou revendre d'occasion, ça, ce truc-là, tu sais rien en faire, quoi. Oui. Et tu sais pas le prêter, et il est soudé à ton appareil, quoi. Donc, Et comme l'appareil, un jour, on arrêtera de le produire, qu'on ne pourra sans doute pas le réparer, le moindre problème, on dira qu'il vaut mieux le remplacer ou acheter un nouveau, ben, tu as découvert que tu avais acheté plein d'ouvrages jetables. Oui, c'est tout à fait ça. C'est un peu la même discussion avec les DVD qu'on achète. Enfin, moi, j'avais acheté des cassettes vidéo à l'époque. Ouais. J'ai racheté certains films en DVD. Maintenant, on sort le Blu-ray. Moi, je les ai payés, mes droits d'auteur, sur toutes ces œuvres-là, quoi. Pourquoi est-ce que je dois tout le temps racheter? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un système qui me dit, au fait, t'as la licence sur James Bond, t'as déjà payé tes cassettes vidéo, ça va, c'est bon. Les DVD, t'as juste à payer la presse, je sais pas, voilà. Mais bon, évidemment, ça n'existe pas. Il faut pas exagérer. Voilà. C'est la fin des news. Je pense que j'ai déjà été 1000 fois plus long que ce que je ne pensais. Je pense qu'on est déjà à 27 minutes d'enregistrement. Donc, je te cède la parole pour que tu inaugures de ta main de maître cette nouvelle rubrique de jeux vidéo. Oui. Donc, voilà, donc les jeux vidéo sous Linux, moi c'était, c'est un peu pour ça que tu m'as invité, et c'est un peu dans ce sens-là que, pour ces raisons-là aussi que je me suis intéressé à Linux, quelque part, puisque on m'a dit oui, il y a moyen de jouer sous Linux, ah, alors je vais essayer. Et en fait, c'est tout à fait vrai, et il y a même moyen de jouer à de chouettes jeux sous Linux, finalement. Dis-moi en plus. Alors, juste, moi, je pense qu'il faut quand même être clair sur une chose. Si tu lis CPC Impact, je crois qu'il existe encore Joystick, PC Impact, tous ces magazines de jeux vidéo, ouais. Vaut mieux laisser tomber. Parce que tous ces jeux qui sortent là maintenant tout de suite, la plupart du temps, ils sont pas portés sur Linux, ils sont juste Windows. Et pour les faire fonctionner sous Linux, il faudra attendre 1, 2, 3 années pour que quelqu'un arrive à faire fonctionner ça sous Linux. Donc, à partir du moment où tu acceptes de jouer avec des vieux jeux, donc des jeux entre guillemets obsolètes, ça devient possible pour beaucoup, en fait. Ça, c'est le béaba. Donc le focus, ça va être les jeux obsolètes pour l'instant. Oui, on pourrait le dire comme ça. Tu aimes les vieux jeux, tu peux. Ou des jeux prévus sous Linux et donc construits sur Linux, mais pour faire fonctionner les jeux, entre guillemets, les blockbusters des jeux vidéo, genre StarCraft 2, Diablo 3 qui sortira dans quelques mois normalement, si tout va bien. Oui, mais on dit ça tous les mois. Non, mais ils ont annoncé une date, hein, maintenant. Ah, ouais. Peut-être que ça va devenir sérieux. Non. Ils ont annoncé une date. Bah, typiquement, Diablo 3, faut pas rêver, quoi. Déjà, Diablo 1 et Diablo 2, il faut un peu pédaler. Et c'est pas parfait. Donc, voilà. Bref. Alors, je me suis dit, par où on commence quand on s'intéresse aux jeux sous Linux? Alors, je me suis dit, qu'est-ce que moi, je regarde? Alors, il faut savoir qu'il y a un site qui est très bien fait, qui s'appelle jeulinux.fr. Jeux Linux en un mot. Qui déjà recense beaucoup, beaucoup de jeux sous Linux. Tiens, les news sur les jeux Linux. Et en plus, dans la plupart des cas, tu te dises, ok, il faut faire ça pour l'installer, ou vous le trouverez à tel endroit. Enfin bref, T'as le mode d'emploi, t'as une présentation du jeu, t'as les news, donc les mises à jour du jeu et ainsi de suite. T'as tout ce qu'il faut là. Donc ça c'est très bien. Moi j'utilisais aussi jeulibre.net qui est un autre site, mais lui est plus qui fait du Linux, qui fait du Windows. Enfin c'est les oui, jeux libres de manière générale et ce n'est pas juste jeux Linux. Alors la documentation d'Ubuntu.fr, puisque sur Ubuntu.fr ils ont vraiment beaucoup de documentation. Je veux dire, je suis sur Debian, mais si je cherche un programme, la plupart du temps, je vais aller chercher du côté d'Ubuntu, parce que avec la communauté énorme qu'ils ont, recensé énormément de choses. Et sur les pages en lien avec les jeux, il y a vraiment beaucoup de... ils disent si ça s'installe facilement, et si ça ne s'installe pas facilement, la plupart du temps, ils disent comment il faut le faire. Donc... Et en plus, ils ont trié par type de jeu, donc on sait qu'on adore les jeux de voiture, les jeux de sport, c'est facile à trouver. J'utilise aussi Playdeb. Alors, Playdeb, c'est un site, qui est lié à Ubuntu, c'est des utilisateurs d'Ubuntu qui, apparemment ont développé ça, et qui ont surtout l'intérêt, c'est qu'ils proposent un dépôt Ubuntu. Donc, ils ont carrément un serveur avec tout plein de jeux à télécharger, il suffit d'ajouter le dépôt dans les distributions. Bon, évidemment, distribution basée sur les points deb, donc Debian, Ubuntu, Linux Mint, je devrais passer aussi, et ce genre de choses. Et donc ça fonctionne aussi sous Debian? Oui, moi je... Maintenant, j'utilise une Debian qui tape allègrement dans le SID, donc... voilà, peut-être que la stable, ça ne passerait pas, mais pour ceux qui sont sur du testing ou une Debian particulièrement instable, ça ne pose pas de problème. Et je suppose qu'il faut aussi faire des petits écarts... Des petites règles pour... Pour aller chercher les paquets qui sont pas trop libres. Ah oui. Oui, forcément. Oui, non, bien sûr, oui. Oui, il y a des tas de librairies qui sont propriétaires. C'est vrai que je n'ai pas précisé ça. La plupart du temps, si on veut rester dans la philosophie libre, c'est vrai que ça va méchamment limiter. C'est là qu'on revient sur les jeux qui se jouent en terminal avec plus ou moins de l'ASCII. Et... Parce que il y a pas mal de jeux. Par exemple, tout le moteur de jeu sera libre, mais les graphismes ne le sont pas. Tu sais que Richard Stallman serait très fâché de t'entendre. Oui, je sais. Il me clouerait sans doute sur un écran d'ordinateur. Mais lui, il s'en fout, il joue sous Unix. C'est un vrai fou. Il joue à Pong. Il joue à... Ouais. Pong ou Ping? Pong. C'est Pong. Ouais, il peut jouer à... Donc Space Invaders ouais. aussi. Ouais. Ouais. Oui, donc oui. Non, c'est sûr. Si on veut, de toute façon, si on veut du 100% libre, et qu'on est, comme moi, sous Debian, bah, on se limite aux jeux qui sont sur les dépôts. Puisque Debian a quand même cette logique particulièrement rigoureuse de très clairement scinder entre le libre, le moins libre, et ainsi de suite. Ouais. Donc, il suffit de rester sur les dépôts 100% libre et de télécharger juste là. Mais, à mon avis, à part des jeux de cartes, je suis pas sûr qu'il y aura énormément. Ouais, c'est clair. Voilà. Et donc Playdeb propose son propre dépôt et l'avantage c'est qu'ils ont quand même des mises à jour assez régulières. Donc ils vont même souvent plus vite que les distributions pour se mettre à jour. Donc ça c'est intéressant parce que quand vous jouez en réseau, ce qui est le cas dans la plupart des jeux Linux sont quand même orientés réseau, il faut avoir la dernière version sinon les serveurs vous préviennent, attention, votre version du jeu n'est plus à jour. Elle est toute pourrie, elle est trop vieille. Elle est toute pourrie. On vous accepte plus. On vous bannit. Il est temps d'arriver dans les années 2012. Et si vous mettez pas à jour, on appellera Richard Stallman. Ouais. Pour vous péter la peau. Faites gaffe, il est gros, quoi. Très gros. Alors, donc ça, Playdeb, encore un site. Là, j'ai pas l'adresse sous la main, mais Playdeb Ubuntu, et vous le trouverez tout de suite dans un bon moteur de recherche. Pas Bing. Ça c'est clair. Ça c'est dit. Alors, ensuite, Play on Linux, Mais tu aimes la culture. Play on Linux, qui est donc, là c'est un site qui, c'est plus un outil. Bon, je vais passer d'abord à WinHQ. Donc, WinHQ, qui est un programme qui permet de faire fonctionner des logiciels Windows sous Linux. Donc, par exemple, hein, je vais prendre qu'est-ce que j'avais sous la main, Diablo par exemple, StarCraft 1. Le 2? Alors Diablo 2 fonctionne mieux que le 1 apparemment, d'après ce que j'avais été voir. Donc on peut quand même jouer à Diablo 2. Ouais, apparemment. Mais alors c'est pas en version Platinum, donc c'est pas parfait. Il y a des problèmes et ça dépendra de quelle distribution tu utilises, quelle version de Diablo tu utilises. Enfin. Mais donc ton truc c'est une librairie qui te permet de. C'est une réécriture des librairies Windows en fait. Ah, mais donc qu'est-ce que tu achètes comme jeu Diablo 2, tu te sers de la version Windows? Ouais. Ah ok. Ouais ouais. Ah, tu n'as jamais utilisé ça. Non. Eh ben c'est j'ai le vrai nom, c'est une implémentation libre de l'interface de programmation Windows, bâtie sur X et Unix. Donc il permet d'utiliser sous Linux ou sous Mac OS X des programmes conçus pour fonctionner sous Windows. StarCraft 1, Warcraft 3, Guilds War, qui eux sont de ceux qui fonctionnent vraiment bien, apparemment. Moi je les ai pas tentés ceux-là. Mais bon, ça m'est arrivé de faire fonctionner des programmes Windows avec Win. Ouais, donc ça c'est cool. Et pas un émulateur, donc tu ne sens pas t'as pas un décalage quoi. Ça va bien. Ça va, soit ça va et ça va bien, soit ça bug. Mais c'est pas plus lent. Ok, et donc en fait ça c'est un peu la porte ouverte justement à toutes les fenêtres puisqu'on parle de Windows. Excellent. Oui, c'est une très très bonne feinte. Non mais ce que je voulais dire, ça veut dire qu'en gros on peut acheter un jeu dans le commerce et on achète la version Windows PC. Attention. Et alors j'ai commencé cette rubrique de manière fort judicieuse en disant si tu ne t'intéresses pas au tout dernier jeu. Oui, ça, d'accord. Et c'est pour cette raison là, c'est que en gros. Ok, alors est-ce qu'on a la liste des jeux supportés? Oui. Ah. Donc si tu vas sur le site WinHQ. Ouais. Tu as une base de données avec toutes les applications, puisque ce n'est pas uniquement les jeux, puisqu'on est bien dans un logiciel qui te permet de faire fonctionner ce qui fonctionne sous Windows. Tu as toute une liste une base de données. Alors les programmes sont triés selon qu'ils fonctionnent parfaitement, un peu moins bien. Donc c'est Platinum, Gold, Silver, t'as Bronze aussi, je pense, et puis t'as Poubelle. Poubelle, donc, ça marche pas. Ça marche pas. Et Bronze. T'auras des bugs qui sont de plus ou moins grande importance. Bon, c'est pas intéressant. Moi, je ne regarde d'habitude juste en Platinum et Gold. Ah oui, ok. Alors, ce qu'il y a, c'est que suivant les versions de Win que tu utilises, ou Wine, je sais pas comment on le dit en fait. Wine ou Win. Ça s'écrit comment? W-I-N-E, comme le vin. Bah, Wine. Wine. Bon, bah, Wine alors. Wine donc, HQ. Bah, ouais. On peut dire Win HQ. Hein. Entre francophones, on se comprend. On peut le faire, oui. Et donc, suivant la version de développement de Wine, ça marchera ou ça marchera pas. Donc, par exemple, tu peux très bien avoir, c'est un exemple tout à fait théorique et faux, hein, probablement, StarCraft 1 fonctionne avec la version 1.0.2 de Wine, mais ne fonctionne pas avec la 1.0.3 de Wine. Ah oui, ok. Donc, il faut aussi savoir choisir la bonne version de Wine avec la bonne version du jeu, donc voilà. Et si t'as deux jeux? Alors, c'est là que Play on Linux est tout à fait intéressant, qui est un autre logiciel développé qui est une couche en plus, une interface graphique plus conviviale pour Wine, et qui lui te propose carrément d'installer plusieurs Wine en parallèle, et de prendre celui qui convient le mieux au jeu via des scripts. Et lui, en plus, ce programme-là, fait encore plus facilement puisque il utilise des scripts qui vont installer mais qui vont faire aussi toutes les démarches que toi t'aurais dû faire tout seul devant Wine. Donc en gros il automatise l'installation de programmes. Donc lui il a une base de données avec beaucoup moins de jeux, beaucoup moins de programmes, mais normalement c'est plug and play quoi. Et donc il s'appelle comment celui-là? Play on Linux. Play on Linux. Ouais. Maintenant, moi, personnellement, j'aime un peu moins puisque ça fait une interface de plus, en fait. Donc, ouais. Ça te fait pas un beau menu. Oui. dans ton menu, t'as jeu, puis t'as Play on Linux, tu vas dedans, et puis tu vas avoir les différents jeux que t'as installés via Play on Linux. Tu pourrais faire, les ramener dans le menu général, mais c'est une commande en plus. Donc, c'est insupportable. C'est insupportable. Pour un maniaque. Et le petit dernier, c'est Loki. Loki, c'est des installateurs de jeux sous Linux. C'est-à-dire, là, c'est un script, tu lances, et il fait le boulot à ta... Enfin, il reconnaît ton environnement, il s'adapte... Bah, il installe le programme pour qu'il fonctionne sous Linux, quoi. Donc, par exemple, j'avais fait fonctionner comme ça Alpha Centauri. Ah, ton jeu fétiche. Écoute, excellent ce jeu. Mais dans la liste, il y a moyen de faire fonctionner Doom 3, par exemple, Heroes of Might and Magic 3. Ah, et celui-là, tu me l'as montré. Je t'ai montré le 4, je pense. Quake 1, Quake 2, Serious Sam, Unreal Tournament. Unreal. Ah, je l'avais installé une fois. Oui, et ça marche puisque j'avais fait une LAN party avec toi sous Unreal et moi j'étais le seul en Linux. Ah oui, c'est juste. Voilà. Donc t'avais quand même réussi à le faire tourner. Oui. Et ça tournait bien. Oui. Ouais. Et c'était déjà avec ce procédé-là. Oui. Ok, donc voilà, ça a fait ses preuves en fait. Oui. Donc ça c'est vrai. Voilà, donc ça c'est les différents. Bon, il y avait donc les sites. Donc rapidement, jeux Linux, jeux libres, documentation de Ubuntu. PlayDeb, ça c'est vraiment WinHQ quelque part, c'est intéressant. Et puis il y a les programmes en tant que tels, il y a les outils, et là c'est WinHQ, c'est Play on Linux, c'est Loki et le dépôt PlayDeb, auquel on peut ajouter évidemment les dépôts des distributions officielles, puisqu'il y a des jeux qui sont directement dans les dépôts. C'était le mot de la fin pour ta rubrique ? Bah oui, et donc la prochaine émission qui a lieu dans 4 mois après la Xème saison, j'ai pas compris ton explication du début. Non mais je m'en fous, c'est pas grave, je veux moins que je m'y retrouve. On s'attaquera aux FPS, donc les bons vieux jeux bien bourrins à la... Ce que tu as toujours aimé. Mais non, pas toujours. Tu aimes, en fait. Tu aimes faire du headshot. Tu... Oui. Bon... Ok, merci pour cette rubrique, on passe à la dernière partie, et pour cette dernière partie de cette première émission, je me suis dit rien de tel qu'un petit cours d'introduction sur le démarrage, puisque, allez, c'est l'analogie, le démarrage de notre podcast et le démarrage d'un système Linux. Si vous tu es poète. Mais je suis poète, je suis dans la métaphore, je suis tout simplement formidable. Donc voilà, je voulais parler du boot d'un système Linux. Alors, bah oui, il faut bien en parler. Ça démarre comment ce truc ? Donc, je vais juste parler des bases, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas non plus commencer à tout détailler, et je vais pas commencer à parler non plus de toutes les distributions. Ok, non. C'est fort restrictif, mais sinon c'est interminable. Et je trouve déjà que ma rubrique est interminable et mortellement emmerdante, donc je vais pas non plus en rajouter à commencer à vous faire le détail de toutes les distros. Quoi. T'es quand même en train de nous dire qu'on a déjà 3 auditeurs belges, on les a circonscrits, hein. On a 3 auditeurs. J'avais... Salut David. Et donc. Merci David de nous écouter. Donc on sait déjà que tu es en train de restreindre sur les distributions. Oui. Ce que je veux, petit Padawan, c'est te donner les clés pour toi-même ouvrir les portes de la connaissance. Ok, donc c'est compatible Debian ton truc. C'est compatible, c'est pas compatible Debian, non. Non. C'est seuls les gens qui ont un Fedora, un Red Hat ou en plus un CentOS vont comprendre. Non, mais je fais une petite aparté sur les systèmes Debian et Ubuntu tout à la fin. Donc tu verras, ça te parlera aussi un petit peu, quoi. Tu pourras te raccrocher à ton système fétiche. Ça va. Mais bon, ouais, il fallait bien que je fasse des choix, quoi. La vie est un choix. La vie est un choix, mais t'as vu comme la vie est dure, quoi. Ouais. La folie. Bon, donc. La crise. J'explique en trois parties. D'abord, je fais power sur ma machine, j'allume la machine, et se passe quoi ? Ensuite, je parle du bootloader, et ensuite, je parle un peu des processus qui suivent. Alors, au début, c'est quand on pousse sur le gros bouton pour allumer la machine. Alors, le courant entre dans vos composants. Votre gros ventilo dégueulasse se met à faire un boucan de tous les diables, surtout sur les vieux, ordinateurs, sur les netbooks. Et là, les utilisateurs Mac disent « Nous, on n'a pas de ventilo !» Et bon, ouais. Rappelons qu'on les emmerde. Et ils n'ont pas de port USB. Ils n'ont pas de port USB. Ils s'emmerdent avec leur tablette à essayer de taper des adresses Google. Bon, on en a rien à foutre. Et puis en plus, on s'écarte vachement dans ce podcast qui se... C'est toujours la première émission et c'est interminable. En réalité, donc voilà. Le premier programme qui est exécuté, qui se prend le jus, c'est le BIOS. Alors le BIOS, qu'est-ce qu'il fait? Le BIOS, ça veut dire quoi? Basic Input Output System. C'est le premier programme que votre processeur connaît et qui est exécuté. En réalité, il exécute de manière un peu débile des séquences de fonctions qui sont stockées dans la mémoire morte de votre carte mère. Donc là, on parle pas encore de Linux. Le BIOS est exécuté par toutes les machines compatibles que vous achèterez dans le commerce. Donc toutes les machines compatibles, ça veut dire à peu près toutes les machines. Sauf les Commodore 64, les Amiga 500 et tous les trucs d'ancienne génération. Sinon, on considère qu'à peu près tout est compatible aujourd'hui, quoi. Alors normalement, le BIOS, il fait quoi? Il reconnaît votre matériel hardware, donc vos disques et vos périphériques. La théorie voudrait que le système d'exploitation utilise cette interface pour parler aux périphériques, mais en pratique, tous les OS possèdent directement les pilotes des périphériques et ils leur parlent directement. Bref, votre BIOS, il va scanner vos périphériques de boot dans l'ordre de préférence que vous avez spécifié. Donc c'est d'abord souvent le DVD, le CD, puis... maintenant, de plus en plus souvent, c'est l'USB, ouais, le disque dur, enfin bon, bref. Et alors, dès qu'il a capté un système qui possède un OS, alors il va chercher, il connaît en fait l'adresse où se trouve le bootloader, donc en français on appelle ça le chargeur d'amorçage, et il va le lancer. Alors le chargeur d'amorçage, c'est chez Debian, je sais plus, c'est Lilo. Grub. C'est Grub. Ok, bah tu vois, tu choisis les deux. Tu peux choisir mais Grub est celui que Ubuntu préconisait aussi. Et, voilà, donc ici je vais parler de Grub. Je vais prendre l'exemple de Grub qui va s'occuper de charger tout le bordel et que ça démarre proprement. Alors ici on commence par quoi? En fait, faut savoir que l'adresse que le BIOS connaît comme bootloader, c'est un secteur de 512 bytes, pas plus. Donc 512 bytes. C'est petit. Une lettre, un byte. 512 lettres. Donc voilà. Bon, c'est évidemment de l'assembleur, donc ça représente pas vraiment des lettres, mais c'est pour vous donner une idée de la taille du fichier. Donc en réalité, ce sont les 512 premiers bytes du disque, et ça correspond à tellement peu d'espace mémoire que cette partie n'est utilisée que pour lancer la seconde partie qui va faire le reste. Et donc dans Grub, il y a un fichier. Si vous allez dans cd/boot/grub, il y a un fichier qui s'appelle stage 1. Ce stage 1, ce sont les 512 bytes qui ne vont être utilisés qu'à lancer les autres parties de Grub. Donc c'est le truc quoi. Que si t'effaces... Ah ouais, tu peux pas. C'est pas bien. Non, c'est mal, tu peux pas effacer. Donc c'est Grub qui vous montre en fait le petit écran. Si vous êtes en multiboot, vous pouvez sélectionner votre OS. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc la ligne que vous sélectionnez dans votre écran Grub, c'est en réalité un lien vers le noyau que vous lancez avec certains paramètres. Après cet écran, Grub cède le contrôle au noyau pour le démarrage des autres composants. Donc, on commence BIOS, ensuite Grub, ensuite noyau. Le noyau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va initialiser les périphériques pour pouvoir informer l'utilisateur, et il utilise les disques et les autres périphériques. Donc, en gros, le noyau, il va configurer l'écran dans un mode classique VGA, histoire que ça marche chez tout le monde. Le vrai écran, il sera configuré plus tard. Cette partie-ci est importante pour bien comprendre le noyau et sa compilation. Si vous compilez votre noyau vous-même, vous pouvez par exemple directement lui indiquer votre profil matériel. Alors évidemment, ça marchera que chez vous. Tu gagnes du temps, mais ça marchera que chez toi, quoi. Enfin, que chez toi. Que chez les gens qui ont le même, écran, profil périphérique, quoi. Ici je parle des écrans, mais ça peut être autre chose. Ça peut être directement mettre le nombre de ports USB, la marque, le type, etc., quoi. Alors, donc, par contre, il faut savoir que il y a aussi des tas d'options qu'on rajoute au noyau, qui sont utilisées. Donc, la ligne Grub qui est fournie et qui lance le noyau n'est pas du tout customisée pour votre outil. C'est pas grave du tout, mais c'est juste pour bien souligner qu'à ce niveau-là, le boot est le même chez tous les utilisateurs des mêmes distributions. Alors ensuite, le noyau. Après avoir initialisé tous ses périphériques de base, il va monter le système de fichiers racine. Donc, le slash. Donc il a reconnu tous vos périphériques, y compris vos disques, et il va monter la racine. Alors, pour qu'on puisse y accéder, non, je lis comme un con, il va monter la racine pour qu'on puisse y accéder. Logique. C'est plus comme ça. Il va ensuite initialiser la console initiale, et puis il va lancer le processus init, mère de tous les autres processus. Alors, c'est ici que, le init, ça c'est un peu, ça change un peu des distros, les dernières Fedora, c'est plus vraiment init, Debian et, en tout cas, Ubuntu, je suis sûr, ils ont laissé tomber ce truc-là. Enfin bon, j'y reviens plus tard. Mais donc, le init, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en compte différents paramètres et principalement son run level. Pour en revenir sur le init, c'est le init, il a toujours le numéro de processus numéro 1, c'est le premier. Donc si on fait dans un terminal ps espace moins -ef, t'as toujours ton terminal? Oui. Vas-y, tape. J'ai plein de trucs qui apparaissent. Oui, attends, ps moins -ef. Puis tu fais pipe, grep, init. Alors, j'ai deux trucs, trois trucs. T'as des chiffres à gauche, un des premiers chiffres à gauche, ça te donne le PID. J'ai un, puis 2673. Oui, voilà, mais c'est le 352. C'est le 1, en fait. Donc si tu fais un PS-EF, tu vas regarder la liste de tous tes autres processus, tu verras, il y a celui-là, c'est le 1, c'est le premier, c'est la mère de tous. C'est notre mère à tous. C'est celui qui a enfanté tous les autres processus qui vont venir faire fonctionner ton OS. De fait, init. Tu vois? Number one. Alors, le init, il prend en compte différents paramètres et principalement les run levels. T'es familier avec les run levels? Bah, tu me les as expliqués au cours d'un... Ah oui, pas, ok. Donc, tu les connais. Donc, des run levels, en général, je dis bien en général, parce que de nouveau Debian c'est une exception, mais en général, le run level numéro 1, c'est le run level qu'on utilise pour le dépannage, qui est accessible uniquement en mode mono-utilisateur, que seul root peut accéder, enfin bon, c'est le truc qui est pas le vrai système Linux, parce qu'il y a des tas de processus qui sont pas démarrés, qui sont pas utilisés, qui sont, enfin voilà, c'est le mode dépannage, quoi. c'est un peu le mode sans échec de Windows. Ouais. Le run level 3, c'est le mode multi-complet sans interface graphique. Et le run level 5, c'est avec le serveur X. Donc c'est la même chose que le 3, mais sauf qu'il y a l'interface graphique, c'est là, c'est celui qui lance le serveur X. Et donc les GNOME, les KDE, les XCE, suivant ce que vous utilisez. Donc ça, c'est la convention de ce qu'on appelle le système 5. Système qu'on écrit système V, V en chiffre romain. Ah, parce que 5, ça fait... tu vois, le boys band. Oui, mais c'est un peu, oui, c'est vrai que System 5, ça fait un peu un groupe, ouais. Un groupe de merde, mais bon, voilà. Alors, faut savoir que Debian, donc, comme je disais, fait une entorse à cette convention. Donc, si vous êtes en mode graphique, vous serez sous le niveau 2 de Debian. Donc, oui. Là, tu peux taper run level en un mot. Et tu verras ton run level. Et 2. Et voilà. Déjà, dans le truc avant, il m'a mis init et puis crochet 2. Ah oui. Donc, tu es en mode, tu es en run level 2. Ce qui correspond au run level 5 des autres parce que tu as un environnement graphique et tu es mode multi-utilisateur. Donc la configuration de votre run level se fait normalement dans le fichier init.tap qui se trouve dans le répertoire /etc. Alors ça, celui-là par contre faut pas aller le voir parce qu'à mon avis toi tu l'as pas. Si, je l'ai. Tu l'as? Etc, ouais. Alors, bah, init8 voilà. Configuration Default run level ID2 init default boot time système configuration enfin. Ah donc tu l'as. Ah, ouais. Mais je savais pas. Bon bah c'est pas grave. Enfin, bon bref, c'est dans ce fichier là, normalement dans les distributions où on indique le run level par défaut. Donc t'as ton, donc on revient BIOS grub noyau init et init, il va regarder dans quel run level tu veux le lancer, et c'est dans ce fichier-là qu'il va aller regarder l'information, qu'il va aller lire l'information. Donc si tu veux, par exemple, maintenant arrêter de lancer ton mode graphique, sous Debian, je ne sais pas quel numéro il faut taper, mais dans les autres distributions, celles qui implémentent le système 5, au lieu de mettre 5, bah, tu mets 3, et alors tu vas lancer ton OS complet, mais sans le serveur X. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que ça change concrètement? Parce que c'est pas simplement run level 5 égale graphique, run level 3 égale pas graphique. Oui, ça doit avoir un intérêt en fait. Mais déjà, ça doit avoir un intérêt, et puis il doit y avoir moyen de customiser ses propres run levels. Tu vois, si tu veux par exemple lancer le Bluetooth quand tu veux lancer ton mode level 3, comment est-ce que tu fais? Tu dois lui dire ça. Eh bien en fait, c'est assez facile. Il y a un répertoire, /etc, /rc, 2.D dans ton cas, puisque tu es sous Debian. Tu as trouvé le répertoire? RC2.2, oui. J'en ai 6. J'ai RC0, 1, 2. Bon, j'en ai 6, voilà, bah ça c'est tous les run level en fait. Mm-hmm. Donc ici, tu regardes le répertoire 2 parce que tu es en mode run level 2. Et là, tu vas voir la liste des scripts qui lancent. Donc si tu fais un LS, ouais, simplement. Un README, et puis j'ai. Et puis des tas. S17 ACPI, R6log, sudo. Ah. Voilà, et tout cela, il commence par un S et puis un chiffre. Oui, 19, 17. Ah, j'en ai plein en fait. Et il y a aussi des K. Non. Je n'ai que des S. Tan tan tan tan. Une exception des miennes. Ouais, bon. Ou, en tout cas, j'explique. Ou de la mienne, mais. J'explique les S. Moi, GDMA, ouais. Laptop mode aussi. Bootlocks. Tu n'as pas de K. Je vais vérifier. Moi, ici, je suis sous Ubuntu, je vais regarder un peu ce que ça raconte. Faut que je me mette en tant que root, évidemment. Mais je vois impression, en fait, ouais, je vois Bluetooth. RC2.D, paf. Ah oui, t'as raison, j'ai pas de K. Non, les DS, moi. Et je suis en quel run level? 2 aussi. Ouais, donc voilà. Enfin bon, bref. La pratique veut que, quand tu es dans un certain run level, par exemple, disons, tu veux voir ce qui se passe, disons, tu veux regarder le run level numéro 3, ben, run level numéro 3, tu vas aller regarder dans le répertoire RC3.D, et là, tout ce qui commence par S va être exécuté dans l'ordre. Donc le init, c'est ça qu'il va faire, il va aller lire dans ce répertoire-là, et si il va commencer par le S01, il va lancer tous les processus S01, puis il va lancer S02, etc. Il peut y avoir des trous, il les fait dans l'ordre. Et normalement, quand tu éteins le système, et que tu es dans un run level, par exemple 3, eh ben, il va pas lire les S, mais il va lire les K, comme kill. Et donc, il va killer dans cet ordre-là tous les processus jusqu'à s'éteindre totalement. Et donc, voilà. Alors, je me permets de re-résumer, et puis alors, on va se quitter sur cet interminable podcast d'une heure. C'est catastrophique. Donc, voilà. Attends, tac, tac, tac. Ça, je vais passer, je vais pas pouvoir... Ouais, alors, donc, voilà. J'avais quand même fait une petite remarque. Petite remarque. La distribution Ubuntu ne suit pas la norme System 5. Elle utilise Upstart. Alors, certaines distributions GNU Linux ont aussi laissé tomber System 5 et ont opté pour System D. J'en ai pas parlé parce que c'est plus compliqué à expliquer, mais ce qu'il faut principalement savoir, c'est que les reproches liés à System 5, c'est que c'est très séquentiel. Donc si vous avez 20 scripts à lancer dans votre run level, les scripts sont lancés les uns après les autres, et c'est pas très performant, parce qu'on n'utilise pas de lancement parallèle. Parce que les processus, en fait, ne se parlent pas, ils ne se connaissent pas. Ouais, marrant, en fait, pour des distributions multitâches. Mais oui, mais en réalité, System 5 suit la norme POSIX. Unix. Voilà, et donc ça vient de Unix, et les systèmes Unix, on les reboot jamais. Donc en fait, voilà, on démarre. C'est vrai, ça reboot, ça reboot jamais. Il y a des machines Unix qu'on a, nous, au boulot, elles ont plus été bootées depuis 5 ans. Et donc on considère que ça sert à rien de retravailler ce système-là, parce que c'est un processus, enfin le système 5, c'est uniquement pour le boot d'un système. Et par contre, Ubuntu a jugé quand même bon de commencer à modifier ce truc-là, parce que Ubuntu, c'est pour l'utilisateur, c'est pour monsieur tout le monde. Et c'est pour quelqu'un qui allume et éteint son PC presque tous les jours. Et donc voilà, il fallait revoir cette norme-là. Donc les autres grands concurrents entre guillemets de System 5, c'est System D, qui est maintenant utilisé, je pense, sur toutes les nouvelles versions de Fedora et qui du coup risque fort d'être intégré dans la nouvelle Red Hat. Et Upstart, qui est utilisé par Ubuntu, et je me demande s'il n'est pas utilisé chez Debian. Donc voilà, on va se terminer. Je ne sais pas. On va pas exagérer, on va pas se terminer. Non. On va juste se dire au revoir, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tolrek, une petite conclusion. Bah écoute, David. Merci. Allez, on se quitte là-dessus. À salut, et on espère à la prochaine émission. Oui, salut. Cool.